Dossier 0. Livre page 7. Question 3. 1. Bonjour tout le monde. Je me présente. Georges Khoury. 2. Comment tu t'appelles? Tariq, et toi? Je m'appelle Jade. 3. Je suis en classe de 8e. Et toi? Moi aussi, je suis en 8e. 4. Tu es française? Non, je suis syrienne. 5. Bonjour, madame. Je suis Jamal Dalati. Je suis le nouveau directeur du collège. Enchantée. Je suis Salwa Mansour. Je suis la principale du collège.